La crédibilité se construit avec du temps et se refait jour après jour avec les faits. L'âme ardente de la passion qui brûla le plus sans brûler, qui brûlait tout ce qu'il touche, qui brûlait les coups avec des passions et du même. Histoire de Fabel. Ciel dominant, soleil éternel, qui brûlait le plus sans brûler, l'âme ardente de la passion, comme une femme nue, comme une femme peint du ciel et de son âme. L'âme ardente de la passion, qui brûlait le plus sans brûler, qui brûlait tout ce qu'il touche, qui brûlait les coups avec passion et de même. Ciel dominant, soleil éternel, avec des yeux lucides et âme encore bleue, avec des yeux lucides reflétant l'intérieur, avec des yeux lucides mostrant la vérité sans mentir, sans se cacher les sentiments, beaucoup moins la vérité, avec des yeux lucides, avec des larmes de sang, avec des yeux lucides, avec des larmes de splendeur. Ciel dominant, soleil éternel, qui brûlait le plus sans brûler, comme une femme nue, comme une femme peinte du ciel et de son âme. L'âme ardente de la passion qui brûlait, la plus sans brûler, qui brûlait tout ce qu'elle touchait, qui brûlait le cou avec passion et de même. Jules.